Le prétérit simple. Tous les verbes des phrases précédentes sont au prétérit simple. Le prétérit simple est un temps qui permet d'exprimer des faits passés, datés, et qui n'ont plus rien à voir avec le présent.